بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فنستمر في هذه الدروس بإذن الله جل وعلا هذه السلسلة في الفرق الضالة. On continue ces cours, ولله الحمد, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala التوفيق والسداد, l'étude des sectes en islam. واليوم بإذن الله جل وعلا ندرس ما يتعلق بفرقة جديدة وهي القدرية وكذلك الجبرية والله سبحانه وتعالى الموفق. Aujourd'hui donc on étudie ensemble la secte des Qadariyya et Al-Jabriyya. Ces deux sectes, leur égarement il est lié au destin, Al-Qadr. فلهذا, avant de citer leurs égarements, on doit أولاً connaître et comprendre عقيدة أهل السنة في القدر. يقول الله جل وعلا في القرآن الكريم: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. هذه الآية الله سبحانه وتعالى بين فيها أنه يعلم كل شيء سبحانه وتعالى وكتب ذلك في كتاب. الله إسيتو il a tout écrit dans un kitab, al-lawh al-mahfoud. Wa qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluq as-samawati wal-ard bi 50 alf sana qala wa 'arshuhu 'ala al-ma'. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il a écrit maqadir al-khalaiq, ay le destin, le décret de toutes choses, 50,000 ans avant la création des cieux et de la terre. Al-Hadith akhrajahu al-Imam Muslim rahimahullah bi sahihih an Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma. Wa rawa al-Imam al-Bukhari rahimahullah bi sahihih min hadith Imran ibn Husayn radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala: "Kana Allah wa lam yakun shay'un qablah wa kana 'arshuhu 'ala al-ma'." ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il a écrit في هذا الكتاب كل شيء. Tout ce qui va se passer إلى يوم القيامة. فالإيمان بالقدر أصل عظيم من أصول دين الإسلام. C'est un fondement parmi les fondements de notre religion. كما قال صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عليه السلام عن الإيمان, جبريل il a demandé au prophète صلى الله عليه وسلم concernant l'Iman, c'est quoi l'Iman؟ فقال صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال شيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: وللإيمان بالقدر مراتب أربعة. هذا الإيمان بالقدر, cette foi au qadr, elle est basée sur 4 degrés. L'ulama, il l'appelle maratib al-qadr. Et pour que ce iman bil-qadr soit sahih et soit maqboul, il faut 4 points ou 4 degrés. La bud minha. Al-martabat al-oula, qala Shaykh ibn Uthaymeen rahimahullah, al-imanu بأن الله تعالى قد علم بعلمه الأزلي الأبدي ما كان وما يكون من صغير وكبير وظاهر وباطن. أي أن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء. Ça c'est le premier degré du destin. أن الله sait tout. Tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passera, les petites choses, les grandes choses, les choses apparentes, les choses cachées, الله يعلم كل شيء. Et il y a beaucoup de preuves dans le Coran al-Karim par rapport à ce premier degré. وَمِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ الْعَلِيمِ. ومن صفاته العلم سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى il sait tout. المرتبة الثانية, le deuxième degré, الإيمان بأن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ مقادر كل شيء حتى تقوم الساعة. Et on a cité hadith Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma. Allah subhanahu wa ta'ala, il a écrit tout ce qui se passera fil lawh al-mahfouz 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Wa dalil concernant ces deux degrés, taqaddam ma'ana qawl Allah azza wa jalla lam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fi as-sama'i wal ard inna dhalika fi kitab inna dhalika 'ala Allah yasir. Allah il sait tout et c'est inscrit dans al-lawh al-mahfouz ay maqadir al-khala'iq, ay le décret de toute chose, le destin. Al-martabatu al-thalita, troisième degré, al-imanu bimashi'atillahi ta'ala wa annaha 'amma fi kulli shay fama wujida mawjudun wa la 'udima ma'dumun min saghirin wa kabir wa zahir wa batin fi as-samawati wal ard illa bimashi'atillahi 'azza wa jalla. On doit avoir la conviction, et c'est le troisième degré, en tout ce qui se passe, toutes les créatures, c'est bimashi'atillahi azza wa jalla. Allah il l'a voulu. Il n'y a rien qui se passe fi hadha al-kawn, que ce soit une petite chose, une grande chose, une chose apparente, cachée, qu'on voit, qu'on ne voit pas, qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, illa bimashi'atillah. Allah il l'a voulu. Li'anna Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le malik, c'est le qadir, c'est le qahir. Et il n'y a pas une chose qui se passe dans sa créature, dans sa création, Azza wa Jal, illa bimashi'ati. Illa wa illa voulu, Azza wa Jal. Quatrième degré. Al-imanu bi khalqillahi ta'ala wa annahu khaliqu kulli shay min saghirin wa kabirin wa zahirin wa batin. Quatrième degré, on a la conviction en Allah subhanahu wa ta'ala, il a tout créé. Tout ce qui se passe fi hadha al-kawn, que ce soit une grande chose, une petite chose, une chose apparente, cachée, qu'on connaît, qu'on ne connaît pas, enfin, c'est Allah qui l'a créé. Enfin, il n'y a rien qui sort de hada. Enfin, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le khaliq, il a des attributs. Et toutes les autres choses, c'est des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, nahnu na hada al-iman wa lillahi alhamd. Al-iman bil qadar, il est fondé sur ces quatre choses. Al-ilm wa al-kitab. Allah, il sait tout. Et tout est inscrit dans Al-Lawh al-Mahfouz. Ou Al-Mashi'a ou Al-Qadr. Et كذلك, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé toutes choses bimashi'ati. Et il a voulu ces choses subhanahu wa ta'ala. Hada, c'est muhim, cette muqaddima, elle est importante pour comprendre l'égarement de Al-Qadriya ou Al-Jabriya fi hada al-bab. Le musulman, il doit donner du temps, il doit faire des efforts pour connaître al-haq. Et la chose la plus importante qu'il doit apprendre chaque musulman, c'est al-iman. Al-iman billah wa malaikatihi wa kutubihi ila akhiri. Les six piliers de l'iman. Et parmi ces piliers, al-qadr. Kadhalik, al-mu'min, il doit connaître l'égarement des égarés fi hada al-bab. Hatta yahdhar. Fa kam min an-nas inharafu fi bab al-qadr. Pourquoi? لأنهم, ils ont délaissé le haq. لماذا? لأنهم, ils n'ont pas appris عقيدة السلف في هذا الباب. Pour comprendre l'égarement des autres. قال العلامة محمد خليل هراس رحمة الله عليه في شرح الواسطية. شرحه c'est من أحسن الشروح. Son explication de الواسطية c'est parmi les meilleures explications. مختصرة وقوية. فقال وخلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في القدر وأفعال العباد ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة من أن الله سبحانه هو الخالق لكل شيء من الأعيان والأوصاف والأفعال وغيرها. Donc عقيدة أهل السنة dans le قدر, أولا on a la conviction que Allah il a créé toutes choses سبحانه c'est le خالق وغيره مخلوق. فأفعال العباد مخلوقة العبد لمخلوق وكذلك ses actions. Allah il a créé l'être humain et il a créé ses actions. الله خالق كل شيء. قال وأن مشيئته تعالى عامة شاملة لجميع الكائنات. Kadhalik, sa volonté, elle englobe tout. Et il n'y a pas une chose qui se passe sans la volonté d'Allah Azza wa Jal. فَلَا يَقَعْ مِنْهَا شَيْءٌ إِلَّا بِتِلْكَ الْمَشِيئَةِ وَأَنَّ خَلْقَهُ سُبْحَانَهُ الْأَشْيَا بِمَشِيئَتِهِ إِنَّمَا يَكُونُ وِفْقًا لِمَا عَلِمَهُ مِنْهَا بِعِلْمِهِ الْقَدِيمِ. Allah, il a créé toutes choses, et tout ce qu'il y a dans ce monde, toutes ces créatures, il les a voulu. Et tout ça, c'est بِعِلْمِهِ السَّابِقِ, et c'est tout écrit dans اللوح المحفوظ. C'est ça, عقيدة أهل السنة والجماعة في باب القدر. قال ولما كتبه وقدره في اللوح المحفوظ وأن العباد وأن للعباد قدرة وإرادة. Et ça c'est important. On ne comprend pas de هذا أن العبد il a aucune قدرة. Il a pas de volonté. أن العبد il a pas le choix. أبدا. بل الله il a tout créé. Et tout est inscrit في اللوح المحفوظ. ومع هذا الله سبحانه وتعالى c'est الحكيم. الله سبحانه وتعالى رحيم كريم. فالعبد il a le choix. Et tout ce qu'il fera, c'est بقدر الله عز وجل. قال وأن للعباد قدرة وإرادة تقع بها أفعالهم وأنهم الفاعلون حقيقة لهذه الأفعال بمحض اختيارهم. L'insan, s'il fait du bien, il l'a fait volontairement et il avait le choix. S'il fait du mal, il l'a fait volontairement et il avait le choix. C'est ça, aqidat al-mu'min. On verra une secte al-jabriya, ils disent que l'être humain, il est forcé, il n'a pas le choix. Alors que nous, on sait qu'on a le choix. C'est pour ça qu'il y a une différence entre al-baliq wa ghayr al-baliq, wa al-aqil wa ghayr al-aqil, wa al-na'im wa al-mustayqid. C'est pour ça qu'il y a une différence entre l'aqil et le majnoun. Celui qui a perdu la raison, il fait des choses, il ne sait pas ce qu'il fait, involontairement. Il n'est pas pris en compte. Celui qui a la raison, et il a atteint l'âge de al-bulugh, de comprendre, il a le choix. Tu viens de faire le salat, tu l'as fait de ton propre choix. Personne t'a forcé. Wallahi alhamd. قال وأنهم لهذا يستحقون عليها الجزاء إما بالمدح والمثوبة وإما بالذم والعقوبة. L'insan il a le choix de faire le bien ou de faire le mal. Et Allah il lui a ordonné de faire le bien et il lui a interdit de faire le mal. Celui qui est patient et qui fait du bien, Allah subhanahu wa ta'ala il le récompensera. Celui qui fait du mal, du shor, il s'écarte du din, Allah il le châtira. هذا c'est muhim. Les anna ba'd an-nas ils se sont égarés fi hada al-bab et fi al-haqiqa ta'anu fi Allah azza wa jall. Les anna ceux qui disent que l'être humain il est forcé, ça veut dire que celui qui rentre fi an-nar il a été forcé, c'est de l'injustice. Fa ta'anu fi rabb al-alamin. بعضهم ils ont un autre égarement al-qadariyya, أن الإنسان il fait les choses lui-même et Allah subhanahu wa ta'ala il a pas قدر cette chose. عيادا بالله هذا الطعن في الله عز وجل. كذلك c'est un autre extrême et c'est ces deux sectes qu'on va étudier ensemble بإذن الله جل وعلا, القدرية والجبرية. انتهى كلام العلامة الهراس رحمة الله عليه. Donc ظل في هذا الباب العظيم طائفتان, deux sectes qui se sont égarées dans ce point, القدر, القدرية المعتزلة et الجبرية الجهمية, deux groupes. القدرية ils ont rejeté, ils ont nié القدر et الجبرية le contraire, غلو في إثبات القدر. حتى أنكروا أن يكون للعبد فعل واختيار عيادا بالله. Donc ces deux opposés, القدرية ils ont rejeté القدر et ils ont dit à l'insan celui qui fait ses œuvres de sa propre volonté, Allah subhanahu wa ta'ala il n'a pas décrété cette chose et ça c'est grave. الجبرية ils ont dit à l'insan il fait ses œuvres لكن il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Allah, il a tout écrit et lui, il n'a pas le choix. S'il fait du bien, il a été forcé. S'il fait du mal, il a été forcé. والآن on commence par القدرية et on détaille قليلا ثم on cite الجبرية la deuxième secte et نذكر كلام أهل العلم إن شاء الله. أولا la première secte القدرية نسبة إلى القدر. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé القدرية العلماء. جاء حديث أن القدرية مجوز هذه الأمة وبعض العلماء يحسنونه كالإمام الألباني وبعض العلماء يضعفونه. المهم أن cette secte elle a appelé Al-Qadariya. Pas parce qu'ils croient au Qadar, là. Au contraire, parce qu'ils ont rejeté le Qadar, fal-ulama, ils les ont appelés Al-Qadariya. Wa nash'atuha, l'apparition de cette secte, awul man qal bi hadhihi al-bid'a, ay nafi al-Qadar, ma'bad al-Juhani al-Basri, wa akhadaha an Nasrani. Il a pris cette aqida, hadha al-Zindiq min Nasrani. فمعبد الجهني البصري il vivait à l'époque à la fin de la génération de أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تبرأ من هؤلاء القدرية que ce soit معبد ou ses suiveurs ولله الحمد من سمع بهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم que ce soit عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أو عبد الله بن عباس أو أنس بن مالك أو غير هؤلاء رضي الله عنهم أجمعين. À la fin de la génération des Sahaba. فالصحابة qui étaient petits à l'âge du prophète عليه الصلاة والسلام كعبد الله بن عمر وابن عباس وأنس ils étaient très jeunes à l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم quand il est mort. فهؤلاء ils ont vécu longtemps. فعلى la fin de leur vie cette secte elle est sortie في العراق البصرة. روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن يحيى ابن يعمر قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني فانطلقت أنا وحميد ابن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين. Donc يحيى ابن يعمر il raconte أنه il est parti هو وحميد ابن عبد الرحمن الحميري faire le حج أو العمرة. فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر تستفيد من هذا فائدة عظيمة أخي الكريم أن عند الإشكال تغفين أهل العلم وفي المسائل المهمة تغفين أهل العلم dans les sujets importants on revient aux gens de science on revient pas à n'importe qui في هذا الباب. فهؤلاء الأخيار ils ont profité de leur hajj ou de la umra, ce voyage qu'ils ont fait jusqu'à Mecca ou le Médine, et ils en ont profité pour poser cette question importante à un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. كذلك ça nous montre que celui que Allah subhanahu wa ta'ala lui a facilité de faire le hajj ou l'umra, il en profite pour apprendre l'ilm, pour poser ses questions, pour visiter al-ulama, pour profiter les assises de science. Fafiha adrun azim est un exemple avec haoula al-akhyar min salafina as-salih. Fawuffiqa lana Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma dakhilan al-masjid. Allah subhanahu wa ta'ala il aura facilité, ils ont rencontré Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma as-sahabi al-jalil, le fils de Umar ibn al-Khattab. فاكتنفته أنا وصاحبه أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. Ils ont rencontré Abdullah ibn Umar رضي الله عنهما. فواحد s'est mis à sa droite, un autre à sa gauche. فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن. Ils ont demandé à Abdullah ibn Umar أن dans leur pays en Irak, بعض الناس يغسّت القرآن ويتقفّرون العلم وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. تستفيد من هذا أن c'est pas tous ceux qui lisent le Coran ou qui font des efforts في العلم ou qui restent au masjid ou qui ont étudié أنهم ils sont على حق أبدا. العبرة بموافقة مذهب السلف مذهب الصحابة. فهؤلاء faisaient des efforts الآن في العلم et ils ont appris le Coran. لكن ils se sont égarés في هذا الباب. يزعمون ils prétendent أن لا قدر أنه il n'y a pas de destin. وَأَنَّ الْأَمْرَ أُنُفْ وهذا c'est très très grave. قال الإمام النووي رحمة الله عليه أي مستأنف لم يسبق به قدر ولا علم من الله. Ils ont dit il n'y a pas de qadar. وكذلك ils ont nié les quatre degrés qu'on a cités au départ. أي أن الله سبحانه وتعالى حتى العلم il sait pas. Si واحد il fait une chose, Allah il sait pas, jusqu'à ce que cette personne elle fasse cette chose, ثم الله il le sait. عيادا بالله. Ça veut dire, عند هؤلاء أن الله سبحانه وتعالى avant l'œuvre de cette personne, avant son acte, Allah il savait pas. وهذا طعن في رب العالمين et c'est du كفر بالإجماع. قال رحمة الله عليه. أي après avoir cité l'égarement de هؤلاء, قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فإذا لقيت أولئك si tu rencontres هؤلاء quand tu rentres chez toi فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. عبد الله بن عمر il s'est désavoué d'eux. والإمام النووي وغيره ils ont démontré أن هذا ça implique أنه كفرهم رضي الله عنه أنه les a fait sortir de l'islam. On ne peut pas se désavouer d'un musulman, même s'il fait une erreur, des ma'asi, une bid'a, on ne peut pas se désavouer complètement. Amma se désavouer complètement, c'est min al-kafir. Voilà chacun a ou laisse des kafirs. Les annahum, ils ont rejeté des choses très très importantes de notre dîn, des sifat, qu'al ilm ou les quatre degrés qu'on a cités. Qala radiyallahu anhu. فَإِذَا لَقِيتَ أُولَئِكَ فَأَخْبِرْهُمْ بِأَنِّي بَرِيءٌ مِّنْهُمْ وَأَنَّهُمْ بُرَآءُ مِنِّي وَالَّذِي يَحْلِفُ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرٍ لَوْ أَنَّ لِأَحَدِهِمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبَ فَأَنْفَقَهُ مَا قَبِلَ اللَّهُ مِنْهُ حَتَّى يُؤْمِنْ بِالْقَدْرِ ثم عبد الله بن عمر pour montrer أنهم c'est des kafirs il a juré أن هؤلاء لو أن لأحدهم si un d'eux il avait مثل أحد ذهب l'équivalent de Uhud en or. Wa ta'lamun anna Uhud c'est une montagne fil Medina. Fa law ils avaient mitla hadha al jabal dhahaban en or fa anfaqa yatasaddaq bih il le donne en sadaqa. Et sadaqa c'est une ibada azima. Ma qabila Allah min. Allah il acceptera pas d'eux. Limadha li anna Allah il accepte pas min al kuffar. La bud min al iman. لابد من التوحيد pour que العمل soit accepté حتى يؤمن بالقدر ولو leur lecture du Coran الصلاة لا شك أن هؤلاء يفز الصلاة et ils lisaient le Coran ils recherchaient la science ils faisaient des efforts في العلم tout ça c'est pas accepté عند الله لماذا لأنهم ils ont annulé leur iman avec cette croyance في القدر ثم ذكر الحديث عن أبيه رضي الله عنهما ثم عبد الله بن عمر il a cité le célèbre hadith, l'histoire de Jibril quand il est venu fil Medina, il a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a demandé an l'islam wal iman wal ihsan. Abdullah ibn Omar il a cité ce hadith pour montrer an l'iman c'est la base de la religion. Wa man kafara bi ruknin min arkan al-iman c'est pas un mu'min. Amma aqidatu al-qadariyya, on verra qu'il y a deux groupes. On parle plus de Jibriya al-an. On parle de ceux qui ont rejeté al-qadar. Il y a deux groupes. Le groupe qu'on vient de citer, Abdullah ibn Umar, il les a fait sortir de l'islam, et il y a un autre groupe. Qala al-imam ibn al-Uthaymin, rahmatullah alayhi, fi taqrib al-tadmouriya. Al-tadmouriya, al-asl, c'est le cheikh al-islam ibn Taymiyyah, rahmatullah alayhi. C'est un kitab nafi' jiddan. Et هذا الكتاب, il a traité deux points importants, cheikh al-islam. La première partie, c'est sur al-sifat, il cite des règles dans les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal, khasatan al-sifat. Et la deuxième partie, il cite Al-Qadr. Wa Cheikh ibn Uthaymeen, rahmatullah alayh, il a simplifié ce livre. Li'annahu fihi su'ouba al-asl. Le livre Cheikh al-Islam, l'original, il est compliqué. Cheikh ibn Uthaymeen, il l'a simplifié, facilité fi al-taqrib. Il l'a appelé taqrib al-tadmouriya. C'est une référence fi Al-Qadr. Qala rahmatullah alayh, fa'ulatuhum. أي القدرية ceux qui ont exagéré أنكروا عموم علم الله تعالى وقالوا إن الله تعالى لم يقدر أعمال العباد ولا علم له بها قبل وقوعها. هؤلاء ils ont dit أن الله il a pas décrété الأعمال كذلك الله il sait que quand cette personne elle fait ce amal, ayyadan billah. Hada fil haqiqa, c'est fil bachar. Nous, on ne connaît pas le destin. Enfin, dès qu'une chose elle se passe et on sait que cette chose elle fait partie du destin. Mathalan, on a fait salat al-asr wa lillahi al-hamd, on sait que la salat al-asr qu'on a fait, ça fait partie de notre destin. Amma Allah subhanahu wa ta'ala ya'lam kulla shay, c'est le Rabb subhanahu. Fa ha'ula ta'anu fi Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont rejeté sifat al-ilm. Et taqaddam ma'ana anna ha'ula c'est des kafara, kaffarahum Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma wa ghayruhu min as-sahaba wa min al-a'imma. Qala al-qadi Iyad rahmatullah alayhi kama fi sharh sahih Muslim, القائل بهذا كافر بلا خلاف. Il n'y a aucune divergence entre Ahl al-Ilm أن القدرية الأول, cette secte qui est sortie à l'époque d'Ibn Umar, القدرية, c'est des kuffars بلا خلاف. وقال الإمام النووي رحمه الله وقد انقرضت القدرية القائلون بهذا القول الشنيع الباطل ولم يبقى أحد من أهل القبلة عليه وصارت القدرية في الأزمان المتأخرة تعتقد ثبات القدر إلى آخره. L'imam al-Nawawi, rahmatullah alayhi, c'est une précision, أن هؤلاء, ils n'existent plus. Ils n'existaient plus à l'époque de l'imam al-Nawawi et jusqu'à de nos jours. القدرية qui renie tout, حتى العلم. قال وصارت القدرية في الأزمان المتأخرة تعتقد ثبات القدر ولكن يقولون الخير من الله والشر من غيره إلى آخره. C'est le deuxième groupe qu'on va voir. شيخ الإسلام رحمة الله عليه قال في الواسطية ومنكروه اليوم قليل. Ça, ça nous montre que شيخ الإسلام, il a pas dit comme l'imam al-Nawawi, que cette secte n'existe plus. Là, شيخ الإسلام il a dit قليل, ils sont très peu. Et à l'époque de شيخ الإسلام. أما une secte qui s'appelle القدرية الآن et qui renie le قدر, فلا لا توجد, avec un imam, avec des suiveurs. لكن هذا الفكر فالله أعلم. Voilà aussi, il existe, enfin, c'est très peu. Mais ce qui est répandu de nos jours, c'est la deuxième, le deuxième groupe, Al-Qadariya Al-Mu'tazila. On fait une précision, huna, anna le groupe des Mu'tazila, on l'étudiera ensemble, Inch'Allah Ta'ala, qariban. Et ha'oula Al-Mu'tazila, ils ont plusieurs égarements, parmi leurs égarements, Al-Qadar. Ils ont contredit plusieurs fondements, et parmi ces fondements, Al-Qadar, et c'est ce groupe qu'on va étudier là. On les appellera Al-Qadariya, mais toi tu sais qu'ils font partie de Al-Mu'tazila. Et كذلك Al-Jabriya, qu'on étudiera à la fin, en fait c'est des Jahmiya. On étudiera la secte de Al-Jahmiya et on étudiera la secte de Al-Qadariya, Inch'Allah Ta'ala, mais quand on arrivera au point du Qadar, on l'aura déjà fait dans ce cours. قال l'imam Al-Uthaymin, rahmatullah alayhi, wa muqtasiduhum, ay ghayru al-ghulam. Mais ils sont tous à la charr. Ils sont tous fidalal. Lakin, l'égarement de Ha'oula qu'on va lire, l'un, il est moins grave que Al-Qadariya qui ont nié et qu'ils ont rejeté sifat al-ilm. Qala amanu bi'ilmillah biha qabla wuku'iha. Amma Ha'oula, ils ont dit na'am, Allah il sait tout. Allah il a tout écrit. Et ils sont d'accord avec nous dans les deux premiers degrés de l'iman. Lakin, وأنكروا أن تكون واقعة بقدر الله تعالى وأن تكون مخلوقة له. Ils ont eu un problème dans les deux derniers degrés. Al-Mashi'a et la volonté et Al-Khalq, en Allah c'est lui qui a créé أعمال العباد. وهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم. فهؤلاء ماذا يقولون؟ Pour résumer, أقروا بالعلم والكتابة لكن أنكروا Al-Khalq ou Al-Mashi'a. Ils savent et ils reconnaissent en Allah, il a tout écrit et il sait tout. Enfin, ils croient en une partie du destin, lakin, ils ont rejeté en Allah subhanahu wa ta'ala toutes les œuvres des êtres humains, c'est par sa volonté et Allah il les a créées. Et on va voir qu'ils ont une choubha fi hada. قال الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمة الله عليه في شرح الطحاوية, كذلك c'est une référence في العقيدة. C'est le meilleur charh à la aqidat al-tahawiyya, celui de l'imam ibn Abi al-Izz al-Hanafi, rahmatullah alayhi. Faqala fi kitabih, wal-qadariya nufat al-qadar ja'alu al-ibad khaliqin ma'allah ta'ala, wa lihada kanu majus hadhihi al-umma. Le regardement, li ha'ula, annahum ils disent, anna Allah il a créé toutes choses pour eux, sauf a'mal al-ibad. Ils disent que tu peux pas dire que c'est Allah qui a créé. Ils disent que c'est l'être humain qui crée lui-même ses actes. Et هذا c'est un قول grave. لأن المؤمن يعتقد أن الخالق واحد وأن صفة الخلق c'est من أوصاف الله عز وجل. Il n'y a qu'un créateur. Enfin, toutes les créatures, elles sont créées par Allah. Hum, ils ont ouvert un bête de shur et de fitna. Ils ont dit, anna al-ibad, chaque être humain, il crée ses œuvres, ses propres œuvres. وَلِهَذَا كَانُوا مَجُوسَ هَذِهِ الْأُمَّةِ Et on a dit, il y a un hadith fi hada. Et بعض العلماء ضعفوا. Et بعض العلماء ils l'ont صحح. وعلى كل حال, c'est ثابت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. بل أردى من المجوس من حيث أن المجوس أثبتوا خالقين وهم أثبتوا خالقين المجوس مجوس c'est un groupe ils ont rien à voir avec l'islam c'est des kafara qu'est-ce qu'ils disent ils disent que النور خلقت الخير et la lumière elle a créé le bien والظلمة خلقت الشر Al-Dhulma, c'est l'obscurité, elle a créé le mal. Fal-Majus, ils ont une croyance qu'il y a deux créateurs. Un créateur du bien, un créateur du mal. La lumière et l'obscurité. Ha'oula, fal-Haqiqa, ils sont partis plus loin. Al-Nahoum, ils disent que chaque être humain, il crée ses propres œuvres. Enfin, si l'un, on est 7 milliards ou 8 milliards d'êtres humains, il y a 7 milliards de créateurs, l'un. Chacun crée ses œuvres. Wa-hada, c'est un qawl khatir jiddan. Qad yaqoul قائل ويسأل سائل كيف ils sont arrivés à ce point d'égarement القوم ils ont une شبهة خطيرة أساس شبهة القوم أنهم قالوا وهنا ننبه الإخوان أن la plupart des égarements de toutes les sectes qu'on verra inshallah et qu'on a vu ولله الحمد c'est à cause de ce genre de questions délaisser مذهب السلف Faire passer la raison avant les textes et se poser des questions qu'il ne faut pas. كذلك الإلزامات الباطلة النسيئة telle chose, c'est que ça va faire telle chose. Et s'écarter des preuves et s'écarter de أهل العلم, ça a ouvert un bab khatir. الرافضة, ils se sont garés من هذا الباب. Ils ont pensé que Ali il était meilleur, donc si Ali, ils ne lui ont pas donné Al-Khilafa, c'est qu'ils ne l'aiment pas. Thomas, ils ont combattu ceux qui ne l'aiment pas. Alors que أصل المسألة, c'est du كذب. Et ce n'est pas vrai. Al-Khawarij, nefs al-shay. Celui qui fait une kabira, c'est que celui qui fait un grand péché, c'est qu'il n'aime pas de din. S'il n'aime pas de din, c'est un kafir. S'il soutient le gouverneur qui n'aime pas de din, c'est un kafir. Et ils ont combattu le muslimin. Ha'oula, qalou, idha qulna anna jami' ma fi hada al-kawn makhlouqun lillah. Kama yaqoul chaque mu'min, tout ce qui se passe fi hada al-kawn, que ce soit dans les cieux, sur la terre, qu'on ne connaît pas, petit ou grand, c'est créé. Il y a un créateur, c'est Allah, et tout le reste, c'est créé. Enfin, ils ont dit, si on dit que tout est créé, et cette créature-là, tahsul illa bimashi'atillah, et cette créature, c'est par la volonté d'Allah. Si on croit ça, comme les deux derniers degrés de Al-Qadr qu'on a vu ensemble, فَلَازِمُ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَتَأَمَّلُوا لازم ذلك أن الله تعالى خلق الكفر والشر والمعاصي et il a voulu هذا. Ils ont compris هكذا. Ils ont dit donc ça implique que toutes les mauvaises choses qu'il y a l'un, les meurtres, les vols, les viols, il a akhiré, Allah il a créé, il a voulu cette chose et عندهم donc s'il a voulu cette chose, c'est qu'il aime cette chose, c'est qu'il est d'accord avec cette chose, ils ont dit là. Et ils ont rejeté. المقدمة الباطلة et النتيجة c'est du Dalal Mubin. Hakada Ahlul Bida', ils ont des muqaddimat, et ils se basent sur des choses comme des introductions qui se font eux-mêmes, thumma ils donnent une conclusion et ils s'égarent. La question donc, l'un qui se sont posés, comment Allah subhanahu wa ta'ala il va vouloir le kufr, il va vouloir le ma'asi, et il va vouloir toutes ces choses mauvaises. Al-Jawab. Awwalan, on doit revenir au Qur'an et à la Sunna pour comprendre. Qala Jalla wa ala, Wallahu khalaqakum wa ma ta'amalu. Ça c'est un nas. Allah subhanahu wa ta'ala il vous a créé et ce que vous faites. Wallahu khalaqakum wa ma ta'amalu. Il n'y a rien qui sort de ce verset. Allah il vous a créé et kadhalik nos œuvres. Allah il a créé notre corps et kadhalik il a créé nos œuvres. Wa qala jalla wa ala wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Ce verset montre un l'être humain, il a une volonté, comme on l'a cité, et cette volonté, elle est sous la volonté d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Fa-matalan, anta, tu veux une chose là. Après ce dars, tu veux faire telle chose. Tu as une volonté. Si Allah il veut, tu la feras. Si il veut pas, tu la feras pas. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé toute chose, et tout ce qui se passe via le corps, c'est par sa volonté. Pour comprendre l'un, l'ambiguïté, la shubha de al-qadariyat dhullal, il peut se dire, mais on n'a pas la réponse là. Al-kufrwa, les meurtres, les viols, toutes les choses mauvaises. Comment on fait? Tu dois comprendre, akhi al-karim, al-irada tanqasim ila qismay. La volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y en a deux catégories. Qala al-imam al-allama Muhammad Khalil Harras rahmatullah alayhi, fi sharh al-wasitiyya. وأما أهل الحق فيقولون إن الإرادة على نوعين. أهل الحق ils disent que l'irada, il y a deux catégories. L'irada, on répétera pas en français, c'est la volonté. إرادة كونية قدرية. La première إرادة كونية. Qu'est-ce que ça veut dire? قال ترادفها المشيئة. Et c'est la مشيئة qu'on a cité dans les quatre degrés du qadar. Vous vous rappelez? العلم والكتابة والمشيئة. Cette mashi'a, c'est l'irada al-kawniya. Qu'est-ce que ça veut dire, hada? فَهُوَ سُبْحَانَهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا وَشَاءَهُ كَانَ عَقِبُ إِرَادَتِهِ لَهُ كَمَا قَالَ تَعَالَى إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ. هذه الإرادة, si Allah subhanahu wa ta'ala, il veut quelque chose, il dit كُنْ فَيَكُونَ. Cette chose, elle... Allah subhanahu wa ta'ala, il la crée quand il veut. Ça, c'est l'irada al-kawniya. Ça implique tout. Les bonnes choses, les mauvaises choses, al-iman, al-kufr, tout ça rentre dans هذه al-irada. Il n'y a rien qui sort de هذه al-irada. Et من الأدلة على هذه الإرادة, قول الله عز وجل, ولو شاء الله ما اقتتلوا. Allah subhanahu wa ta'ala arada dhalik. Walau sha'a Allahu maqtatalu. Ça c'est min al-irada al-kawniya. Ça nous montre que tout ce qui se passe c'est bi iradatillahi azza wa jal. Deuxième irada, al-irada al-shar'iyya, al-diniyya. Deuxième irada, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala il veut, ay min haytha al-din wa al-shar'a. Ay c'est tout ce que Allah il aime. قال الشيخ ابن عزيمين أو الشيخ الهراس رحمة الله عليه تتعلق بما أمر الله به عباده مما يحب ويرضاه وهي المذكورة في مثل قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الله سبحانه وتعالى il veut pour nous la facilité et il veut pas pour nous la difficulté. هذه الإرادة الآن c'est الشرعية الدينية. T'as compris les deux, إرادة كونية c'est tout ce qui se passe dans ce kaun. Et dans la création, dans l'univers, tout ce qui se passe, c'est par la volonté d'Allah. L'imad al-yalna, si on dit que ce n'est pas par la volonté d'Allah, ça veut dire qu'il y a une chose qui se passe dans cet univers et Allah subhanahu wa ta'ala, il ne l'a pas voulu. Est-ce que c'est du kamal? Là, je sais que c'est du naqs. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait tout et il est capable de tout. Donc tout ce qui se passe dans son royaume, jalla wa ala, c'est bi-iradatih. Ça ne veut pas dire forcément qu'il aime cette chose. La deuxième, al-irada al-shar'iyya, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il aime et il l'ordonne à ses serviteurs. Allah subhanahu wa ta'ala, il veut pour nous la facilité. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné, il veut qu'on fasse salat, il veut qu'on fasse siyam, il a akhiré. Allah, il aime ces choses. Il aime la justice, il a akhiré. Al-farq, la différence entre les deux, et avec ça, on va comprendre akthar, inshallah. قال الشيخ ابن عزيمين في شرح الواسطية رحمة الله عليه فصار الفرق بين الإرادتين من وجهين. T'as compris les deux volontés, إرادة كونية, إرادة شرعية. La différence l'un entre les deux, أولا, il y a deux différences. La première, الإرادة الكونية يلزم فيها وقوع المراد والشرعية لا يلزم. أما الكونية, si Allah il veut, forcément cette chose elle sera. مفهوم؟ Allah subhanahu wa ta'ala il veut que telle chose elle existe, ça arrive forcément. Ça c'est irada kawniya. Tout ce qui se passe dans ce kawn, c'est min hada al-bab. Allah il l'a voulu. Al-irada al-shar'iyya fala yalzam al-wuqu'. Mathalan, Allah subhanahu wa ta'ala il veut que chaque qu'être humain y croit et veut que chaque être humain fasse salat et chaque être humain il s'écarte du mensonge et il soit juste dit la akhir, est-ce que tous les êtres humains c'est des croyants? Là, est-ce que tous les êtres humains font salat? Là, enfin, Allah il veut cette chose, mais cette chose elle n'arrive pas forcément. Et c'est sur cette volonté qu'Allah il jugera l'ibad. Allah, s'il veut, tout le monde fait salat, tout le monde croit. Lakin Allah, c'est le hakim, il a créé le jannah wa nar et il remplira les deux. Fariqun fil jannah wa fariqun fil sa'ir. Le jugement, il sera sur la deuxième. Deuxième différence, al-irada al-shar'iyya takhtassu fima yuhibbuhu Allah. Al-irada al-shar'iyya est la volonté. Shar'iyya diniya, Allah il l'aime. Allah il veut pour nous la facilité, il aime. Allah il veut qu'on fasse salat, il aime. Allah il veut qu'on soit des croyants, il aime. Il a akhir. Al-irada al-kawniya, Allah il l'aime pas forcément. Mathalan, Allah il a qaddar, un tel c'est un kafir. Il a qaddar que cet enfant il meurt. Il a qaddar une guerre, il y a des milliers de morts. Allah il aime pas hada. Lakin il l'a quand même décrété. Pourquoi li'anna Allah c'est le hakim? Il y a une hikmah azima. Si tu prends l'exemple du kafir, il y a une hikmah azima. Il n'y aurait pas de kafir, il n'y aurait pas de wala et pas de bara. On va détester qui? S'il n'y a que des mu'min. Il n'y aurait pas de kafir, il n'y aurait pas le jihad. Il n'y aurait pas de mukhalafat, il n'y aurait pas de tauba. Et tauba, c'est quelque chose de azima عند Allah. Kadhalik, il n'y aurait pas de kufr et de mukhalafat, il n'y aurait pas l'annar. L'enfer, ça ne servirait à rien. Wahakada. Kadhalik, il n'y aurait pas de mukhalafat, il n'y aurait pas de hudud. Couper la main du voleur, fouetter celui qui fait l'adultère, celui qui boit de l'alcool, s'il n'y aurait pas ces mukhalafats, tous ces hudoud, ça n'existerait pas. Enfin, ça te montre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé cette chose pour une hikmah azima. Enfin, il n'a pas créé le shar pour le shar, là, pour quelque chose de azim. C'est pour ça que min asma'ihi al-hakim azza wa jal wa min sifatihi al-hikmah. Enfin, l'irada, Cheikh Ibn Taymiyyah, il a répondu à ce ishkal. Les différences, vous les avez compris. Al-irada al-kawniya, elle arrive forcément. Al-irada al-shar'iyya, pas forcément. Al-irada al-shar'iyya, Allah il l'aime. Al-irada al-kawniya, pas forcément. Après tout cela, tu vas comprendre al-ishkal que ba'd an-nas ils ont. Et al-qadariya, ils se sont égarés min hada al-bab. Kayfa, qala Cheikh Ibn Uthaymeen, il a posé cette question. Kayfa yuridu Allah ta'ala kawnan ma la yuhibbu. Wahad, il peut se demander, mais comment Allah subhanahu wa ta'ala va vouloir une chose qu'il n'aime pas? On a déjà répondu. Qala Cheikh Ibn Uthaymeen, الجواب أن محبوب أو أنه محبوب إلى الله من وجه مكروه إليه من وجه آخر. Il y a une faïda. Allah, s'il a décrété que tel enfant il meurt, il y a une faïda azima. Et on peut citer nous cet exemple. بعض الناس ils comprennent pas pourquoi cet enfant il meurt et Obama ça les rend triste et ils comprennent pas pourquoi c'est min al-qadar. Et si tu lui dis un tak, il y a un khayr azim, il peut pas comprendre. Bardoum, ils ne veulent pas et Bardoum, ils n'arrivent pas à comprendre. Et fait le haqiqa, si on a une bonne pensée envers Allah et on connaît les noms d'Allah, Annahu c'est le Hakim, Annahu c'est l'Alim, cet enfant peut-être qu'il serait grand, il t'aurait fait beaucoup de mal. Cet enfant peut-être qu'il grandirait, ça serait un kafir. Allah subhanahu wa ta'ala, en reprenant la vie de cet enfant, pour nous ça paraît quelque chose de mal, il y a une hikmah azima. Et qissat al-Khadir ma'a Moussa, quand al-Khadir il a tué l'enfant, et Moussa lui a demandé pourquoi. Al-Khadir lui a démontré. Al-Khadir c'est un Nabi, il recevait la révélation. Il a 7 enfants, si grandi, il va faire beaucoup de mal à ses parents. Allah subhanahu wa ta'ala, il veut de la rahma pour ses parents. Il prend la vie de 7 enfants. L'enfant il va faire le jannah. Les enfants quand ils meurent ils vont faire le jannah. Et les parents, alhamdulillah, ils n'auront pas à souffrir à cause de cet enfant. Il y a une hikmah azima. Lakin ba'd an-nas, ils comprennent pas tout ça. Et ils se disent, mais le destin, mais pourquoi toutes ces guerres, pourquoi tous ces morts? Apprends l'ilm. Et tu auras des réponses à ma des questions sans ilm, ça pousse l'insan ou choubah et robama à s'égarer akthar. Qala Cheikh Ibn Uthaymeen, annahu mahboub ila Allah min wajh makrouh ila Allah min wajh akhar, fa huwa mahboub ilayhi lima yatadhammanahu min masalih azima. Allah il aime cette chose et il a voulu d'un côté, limadha? Li'annahu yad masalih azima. Et on a cité l'exemple de l'kufr et on a cité l'exemple de l'enfant. Qala, ولا مانع ان يكون الشيء محبوبا مكروها مكروها باعتبارين. Cheikh Ibn Uthaymeen va citer un exemple qui n'a rien à voir avec la religion, lakin pour que les gens ils comprennent. Les gens ne comprennent pas le nusus min al-kitab wa sunnah, les textes ils n'arrivent pas à les comprendre. Lakin avec ce genre d'exemple ils comprennent plus facilement. Et qu'une chose ça peut être un mal et un bien. Un mal d'un côté et un bien d'un autre côté. Il a cité cet exemple. قال فها هو الرجل يقدم طفله الذي هو فلدة كبده وثمرة فؤاده. Ce père de famille, il a un enfant qu'il aime. Lakin, il va pousser cet enfant chez le médecin. Et le médecin va faire du mal à l'enfant. Une opération ou telle chose. La chèque, ça fait du mal à l'enfant. L'enfant, il pleure, l'enfant. Lakin, la chèque, il y a un bien derrière tout cela. قال الشيخ ابن عثيمين يقدمه إلى الطبيب ليشق جلده ويخرج المادة المؤذية. مثلا, s'il a une infection, ce docteur, il va ouvrir la peau de cet enfant. Et l'enfant, ça va lui faire du mal. Il va pleurer pour sortir cette mauvaise chose, cette infection, cette impureté. Ça a fait du mal à l'enfant, mais il y a un bien. Donc si on acceptait ça avec ce genre d'exemple, pourquoi on n'accepterait pas ça fi qadarillah wa Allah subhanahu wa ta'ala lahu al-mathalu al-a'la. Qala Cheikh Ibn Uthaymeen, limadha yarda bidhalik wa huwa alam lil-ibn. Et pourquoi les gens ils acceptent ça alors que ça fait du mal à leurs enfants? Li'annahu murad li ghayrih. Pourquoi? Li'anna, le but c'est que pour que cet enfant il soit soigné, guéri, il faut passer par cette douleur. Donc, c'est pas le mal en lui-même qu'on veut là. On passe par cette douleur, ce mal, pour un bien. Fahakada, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé toutes choses, les hikmah. Même si pour nous ça paraît être mauvais, il y a un bien. Pourquoi? Li'anna Allah subhanahu wa ta'ala, c'est al-hakim. Allah c'est le khabir, Allah c'est l'alim, Allah c'est le rahim. Vous avez remarqué qu'on cite beaucoup le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses attributs. Li'anna, il y a un lien. Ceux qui n'ont pas compris les masailles du qadar, c'est qu'ils ont un problème fait l'aqida. Ils ne connaissent pas Allah Azza wa Jal. Ils connaîtraient Allah subhanahu wa ta'ala avec ses noms et ses attributs, jamais ils auraient cette mauvaise pensée. En Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé telle chose et c'est un mal à 100%. Abad. Iblis, et même le kufr, ra'su al-dhalal, c'est qui l'a créé? C'est Allah. Pardon, ils peuvent dire, mais pourquoi? Si Iblis n'aurait pas été créé, on aurait été tranquille. Là, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé Iblis, et c'est un mal, pour éprouver l'ibad. Pour savoir qui c'est qui est sincère, qui c'est qui fait des efforts fait din, qui c'est qui va obéir à Allah et va s'écarter de shaitan, et qui c'est qui va obéir à shaitan et s'écarter du din. Ahada, fil haqiqa, al-hikam, les sagesses, elles sont claires. Qala Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi, lil maslahati al-azima allati tatarattab ala dhalik. C'est pour ça que les gens ils patientent sur le mal et ils savent qu'il y aura un bien après. فَتَبَيَّنَا بِهَذَا التَّقْسِيمِ أي الإرادة الشرعية وكونية بطلان مذهب القدرية الضلال. كذلك من شبههم أنهم قالوا إذا قلنا أن الله قدر كل شيء وكتبه في اللوح المحفوظ. Si on dit qu'Allah il a tout décrété et il a tout écrit, فلازم ذلك, ça va impliquer quoi? عندهم أن celui qui rentre في النار, c'est une injustice pour eux. Pourquoi? Les anas, si on croit au qadar, eux ils ont compris quoi? Que t'as pas le choix. Ça c'est l'égarement de l'Jabriya. Et le qadariya, quand ils ont compris Hakada, ils n'ont pas voulu être comme l'Jabriya. Alors que l'Jabriya ils sont venus après. Lakin ils n'ont pas voulu tomber fiha dalal. Pour eux ils sont tombés dans un autre. Amma nahnu, on dit que Allah il a tout créé et Allah il a tout voulu. Et kadhalik, on dit que l'être humain, il a la volonté, il a le choix. Amma hum la, ils ont voulu s'écarter de hada et ils sont tombés fi ashar minh. Qala Cheikh Mohamed Khalil Harras rahmatullah alayhi, dhallu bit tafrit wa inkar al-qadr wa za'amu annahu la yumkin al-jam' bayna ma huwa thabit bid darura min ikhtiyar al-'abd fi fi'lihi wa mas'uliyatihi 'an wa bayna ma dallat 'alayhi an-nusus min 'umum khalqihi ta'ala wa mashi'atihi. Al-Qadariya, ils se sont égarés ici. Ce point. Alors, ils n'ont pas réussi à rassembler comment j'ai le choix et Allah, il a tout décrété. Allah, il a tout décrété et il t'a donné le choix. Kathirun minan nas, ils se sont égarés via dalbab, limada li annahum, ils comparent Allah à la créature. Allah, il est capable de tout. Allah, il a tout décrété et t'a donné le choix. Ayn al-mani', il est où le problème? Il n'y a aucun problème. Sauf ceux qui ouvrent la porte à Shaitan et ils s'écartent du ilm. Et ils se font beaucoup de mal avec ce genre de questions. Ou le dalil, anna lil'abd mashi'a, on l'a cité et on le répète. Qawlullah azza wa jalla liman sha'a minkum an yastaqim wa ma tasha'una illa ayasha Allahu Rabbul Alamin. Et celui qui veut la guider, il fera les efforts pour la suivre. Wama tasha'un, et vous n'aurez pas cette volonté que si Allah il l'a. Ça montre ce verset, an al-insan il a une mashi'a. Qala 'azza wa jalla wama tasha'un. Et au début, liman sha'a. Ça montre que l'être humain il a une volonté. Lakin cette volonté, elle est sous la volonté d'Allah 'azza wa jalla. قال العلامة عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه في شرح القصيدة التائية لشيخ الإسلام سين قصيدة بوئزي مختصرة في الرد على القدرية والجبرية إلا أبلي شيخ الإسلام التائية لأن طولي فيغي فينيس بغتاء الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه لا في الإكسليكاسيون رسالة مختصرة نافعة في هذا الباب فقال رحمه الله دلت الآية على الحق الواضح وهو أن للعباد أو أن العباد هم الذين يعملون الطاعات والمعاصي حقيقة ليسوا مجبورين عليها. Ce verset montre أن الإنسان il a le choix. Celui qui veut faire du khayr, il fait du khayr. Celui qui veut faire du shar, il fait du shar. Et Allah nous a ordonné de faire du khayr. Et ce verset montre que l'être humain, c'est lui qui choisit. أما dire qu'on est forcé, هذا c'est من الضلال, et c'est l'égarement de الجبرية. فالجبرية on a fini القدرية ولله الحمد. الجبرية فهم الذين يقولون إن العبد مجبور ليس فعل ليس له فعل ولا اختيار. الجبرية c'est une secte qui est apparue après القدرية. Ils ont voulu éviter la بدعة القدرية et ils sont tombés dans plus grave. العلم الرجوع إلى العلماء c'est مهم جدا. Un il veut s'écarter d'un égarement, il peut tomber dans un autre. Là, tu dois t'écarter de tel égarement avec ilm. Fahaoula, pour contredire le qadariya, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit le qadar c'est haq. Et Allah, il a voulu, il a tout créé, il a tout écrit, il sait tout. Lakin, ils ont exagéré, ils ont dit quoi? L'être humain, il n'a plus le choix. Hada la, c'est min al-dhalal. Qala Cheikh ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi, sur al-jabriya, آمنوا بقدر الله عز وجل وغلوا في إثباته. Ils ont exagéré في الإثبات. Ils ont accepté le qadar, lakin ils ont exagéré. Et l'exagération, c'est haram. L'exagération, c'est le sebeb, une des principales causes d'égarement. حتى سلبوا الإنسان قدرته واختياره وقالوا إن الله فاعل كل شيء. حتى ils sont arrivés à un niveau, un homme, ils ont dit l'être humain, il n'a pas le choix. L'être humain, c'est comme une feuille que le vent il emporte à droite, à gauche. Hada, c'est très très grave. Lian Allah, il a créé nar et châtira des êtres humains et Allah, il est juste. Amma, s'ils n'ont pas le choix, comment châtier une personne qui n'a pas le choix? Falihada, celui qui n'a pas le choix dans notre dîn, il est excusé. Mathalan, لو أكره إنسان حتى ولو على الكفر. Tant que son قلب il est مطمئن بالإيمان, il est excusé. لماذا؟ لأنه il n'a pas le choix. مثلا des kafara ils agressent un musulman, ils l'enferment et ils lui ordonnent de se prosterner pour autre qu'Allah. S'il se prosterne et dans son cœur il déteste cette chose et il sait que c'est batil, lakin il est forcé, il a peur pour sa vie, هذا لا شيء عليه. أما الجبرية في الحقيقة ils font aucune différence entre tous ces cas. فاحذر أخي الكريم من الانحراف في هذا الباب العظيم. Fais attention, akhi al-karim. Kam min al-shubuhat fi hada al-bab, fi bab al-qadr. Ba'd al-juhal, ba'd al-nas qui n'ont pas étudié l'ilm, qui n'ont pas fait des efforts pour comprendre, au lieu de faire des efforts pour comprendre, ils se posent des questions. Toujours sur le qadr. Mais pourquoi? Mais comment? Ihdar. Ihdar, c'est un bab khatirun jiddan. Reviens à l'ilm, étudie des livres simples comme Ta'iyya, comme le Matli Atiqad, comme le Wasitiyya, tous ces livres qui traitent le sujet très simplement et tu auras la réponse. Les Anabardanas, ils ont une Shubha qui est connue. Et on conclut avec Hada, Anahum, ils font des ma'asi, ou yahtadjouna bil qadr. Ala al ma'asi. Il fume, il boit, il vole, il ne fait pas salat, il a akhri. Si tu le conseilles, il te dit Qaddar Allah. Ça te montre un hada al-fikr, même s'il n'y a plus de secte qui s'appelle comme ça avec des imams, il est muntashir. Jitten. Inda ba'd al-nas. Fa al-ba'd ils disent, nahnu, si on fait cette chose, c'est le qadar. Et nahum, ils ont appris que Allah, il a tout décrété. Le shaitan, il leur a ouvert une porte. Ils ont fait des ma'as, ils n'ont pas pu arrêter. Et ils ont essayé de trouver une excuse, ils ont dit, c'est le qadar. La C'est pas ça la solution pour arrêter le ma'asi. Et هذا الاحتجاج الى باطل من وجوه بينها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه في التقريب. فقال ان هذا الاحتجاج بالقدر على مخالفه الشرع لا يصح كما دل على ذلك الكتاب والسنه والنظر. القران والسنه والنظر اي الواقع la réalité, ça montre, elle montre que utiliser le destin comme preuve pour faire des péchés, c'est pas sahih, c'est faux. أما القرآن فقوله عز وجل سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. Ça montre que c'est من معتقد المشركين هذا. المشركون, qu'est-ce qu'ils ont dit? Si Allah il aurait voulu, on n'aurait pas fait de shirk. Au lieu de délaisser le shirk et appliquer le tawhid, et ça aurait été utile pour eux, fi dunya wal akhira, et ils auraient réussi, là ils ont continué à faire du shirk et ils ont trouvé cette excuse. Si Allah il aurait voulu, on n'aurait pas fait du shirk. Na'oudou billah. Qala azza wa jal, à la fin du verset, كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا. Allah subhanahu wa ta'ala les a appelés menteurs. Et كَذَلِكَ, ils vont goûter au châtiment. Qu'est-ce qu'on doit penser? On est des croyants. On s'écarte de toutes ces choubouhettes et l'essentiel c'est que tu rentres fil jannah. Qu'est-ce que tu vas gagner yawm al-qiyamah si tu as fait des péchés, belle, tu as délaissé l'islam et tu n'avais aucune limite et yawm al-qiyamah t'es final. Est-ce que ça va être utile de dire le qadar? Ça sera d'aucune utilité. Belle, tu seras, ou cette personne, elle sera final, bi qadarillah. Est-ce que ça va arranger les choses? Là, ça c'est le délire du Coran. أما من السنة فحديث علي رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. Chacun de vous, Allah il a déjà décrété, écrit, est-ce qu'il ira fil jannah ou fil nar. فقالوا أي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا ولا نعمل. يا رسول الله, est-ce que on délaisse l'amal? Dans ce cas-là, si c'est déjà écrit, enfin, se poser la question, ça arrive. Là, l'insan, il se pose la question bi'ilm, il accepte l'ilm, et après, il avance. Enfin, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur a répondu, قال عليه الصلاة والسلام يعملوا فكل ميسر لما خلق له. Faites des efforts. Chacun de vous, Allah subhanahu wa ta'ala lui facilitera. S'il veut le khayr, Allah lui facilitera le khayr. Celui qui veut shar, Allah, il lui ouvrira le bain. Et il s'égara, yadam billah. Troisième dalil, al-nazar, ou troisième point. قال شيخ ابن عثيمين أن تارك الواجب وفاعل المحرم يقدم على ذلك باختياره لا يشعر أن أحدا أكره نعم أكرهه عليه. أن celui qui veut du mal, c'est sa volonté. Personne le force. Et chaque être humain il ressent هذا. La preuve c'est que أحيانا واحد veut faire du mal, ثم il arrête. Ça montre qu'il avait le choix. قال ولا يعلم أن ذلك مقدر لأن القدر سر مكتوم فلا يعلم أحد أن شيئا ما قدره الله تعالى إلا بعد وقوعه. Et ça c'est important. أن celui qui veut faire une ma'asiya et il prétend que c'est le qadar, est-ce que avant de la faire il sait que ça fait partie du qadar? أبدا. لأن il peut vouloir faire un mal et il meurt. Ou il ne le fait pas, ou on l'empêche. Donc il ne sait pas si c'est min al-qadr. Donc comment utiliser une chose qu'on ne connaît pas? قال شيخ ابن عثيمين فكيف يصح أن يحتج بحجة لا يعلمها قبل إقدامه على ما اعتذر بها عنه. Comment il peut utiliser un argument qu'il ne connaît pas? Allahu a'lam si ça fait partie du qadr. لأن بعض الناس, on donne un exemple, maintenant il te dit je vais aller dans tel endroit haram. Tu lui dis, ya akhi, taqillah, c'est pas bien. Il te dit, mais c'est le qadar. Mais tadri, tu sais pas si tu vas y aller. Si t'es parti, na'am, ça fera partie du qadar. Enfin, avant d'y aller, ferme la porte. Qala shir mu'azaymin. Wa limada lam yuqaddir anna Allah ta'ala katabahu min ahli sa'ada fayamal bi'amalihim duna an yuqaddir anna Allah katabahu min ahli shaqawa wa yamal bi'amalihim. Pourquoi cet être humain, cet homme, cette femme, ils se disent pas, et Inch'Allah, je veux faire du khayr, je veux faire salat, je veux faire des efforts dans le bon comportement, dans l'ilm, etc. Et c'est le qadar. Pourquoi, ba'danas, ils ouvrent des portes du shara eux-mêmes et ils disent c'est le qadar? Ça te montre cette choubha, c'est mine muharabat Iblis, l'Ibani Adam. Iblis, il a combattu beaucoup d'êtres humains par cette porte. كذلك أن هذا المحتج لو خير في السفر بين بلدين يدن ان اكزامبل avec la raison. Cet exemple qu'il donne, on résume, en a un homme, il doit voyager, مثلاً de notre ville à une autre ville. Il y a deux chemins. Un chemin où il n'y a aucun problème, la sécurité est là, un autre chemin où il y a beaucoup de problèmes. Il y a des vols, la route elle est mauvaise, il a akhiré. Est-ce qu'il va choisir le bon ou le mauvais? L'achat qui va choisir le bon. Enfin, on peut lui dire, pourquoi tu ne choisis pas le mauvais? Et puis c'est le Qatar. Il va dire, là, il faut faire des causes, il a akhiré. On lui dit, fait din, c'est la même chose, fait des causes. C'est là, c'est exactement la même. Vous remarquerez que ceux qui prennent ce qawla ou qui sont touchés par cette choubha, c'est Ahl al-Dunya. Kathir min al-Fussa. Un travail, et Cheikh Ibn Uthaymeen cite avec cet exemple, un travail, tu as deux salaires. Tu as un salaire de 2000 euros, tu as un salaire de 1000 euros. On te dit, choisis le salaire de 1000 euros, c'est le qadar. Ils accepteront jamais. Il va dire, là, je prends 2000 euros et c'est le qadar. On lui dit, kadalik, fais des bons amal et c'est le qadar. Ah, kadalik. Ou tu le frappes et tu lui dis, c'est le qadar. Ou tu lui prends son argent et tu lui dis, c'est le qadar. Il va te dire, là, fais les causes. Ne me frappe pas et c'est le qadar. Enfin, neuf séché. Fais du bien dans ton dîn et dis c'est le qatar. هكذا الأمر واضح جدا لكن الشبه est أهل البدع. أهل البدع, ils ont propagé ce genre de choubouhat, خاصة الجهمية والمعتزلة. الجهمية, on a dit, في القدر, ils ont بدعة الجبرية, أي t'es forcé. المعتزلة, ils ont بدعة القدرية, أي que الأعمال, c'est chaque être humain qui crée ses propres œuvres. Et inshallah, on étudiera ces deux sectes. Al-Khatima, on conclut. Anana nastafid, ma'ashara al-ikhwa, de cette dirasa al-mukhtasara, cette brève étude de cette secte. Anna'tani bi'aqidat al-salaf. On doit faire des efforts fi aqidat al-salaf. Fil qadr wa fi ghayri al-qadr. Lianna haoula, ils se sont égarés. Limada liannahum, ils se sont éloignés de la voie des salaf. Et ta'ammalu anna ma'bad al-juhani, il était à l'époque des sahaba. Abdullah ibn Omar, il était encore vivant. Abdullah ibn Abbas, Anas ibn Malik, radiyallahu anhum, il restait des compagnons. Au lieu de venir reprendre l'ilm indahum, il est resté en Irak, fil Basra, et il a inventé ce qawl wa al-haraf. Les sahaba, ils sont plus vivants, ils sont morts, radiyallahu anhum, lakin, ils restent leurs héritiers. Ben, les héritiers du prophète, alayhi salatu salam, al-ulama, il nous explique l'aqidat al-salaf, on revient à eux et on fait des efforts fi al-aqidah. Kadhalik la nakhoud fi masail bi-jahl. On ne rentre pas dans des masail et on polémique avec le jahl. Khassatan fi bab al-qadr. Les forces que tu as, mets-les dans l'ilm et apprends. Et tu verras que bab al-qadr, il est très simple. Lakin, si tu veux salam wa al-naja, si tu veux réussir et ne pas t'égarer, fi hada al-bab, deux choses. At-taslim wa husn adh-dhann billah. Soumets-toi, ne pose pas trop de questions. Les nawad an-nas, quand tu parles avec lui de l'qadar, il a toujours une question. Arrivé un moment, il n'y a plus de réponse. Allah, il a tout créé, tout ce qui se passait sous sa volonté, il t'a ordonné de faire kafa. Fais. Inch'Allah, tu rentres fil jannah, tu ne te poseras plus ces questions. Un nawad an-nas, d'aïman, il y a une question. Mais si Allah il sait, mais pourquoi? Il s'égare. At-taslim, soumets-toi. Wa husn adh-dhann billah. En Allah subhanahu wa ta'ala, il veut ton bien. Wallahi, il t'a créé, c'est pas pour t'égarer et te châtier. Là. Allah subhanahu wa ta'ala, yuridu bikum al-yusr, comme on a cité le verset. Allah, il veut pouvoir la facilité. Lakin, ba'd an-nas, ils veulent que char pour eux-mêmes. Et ils veulent pas écouter. Et ils s'égarent. Et daiman, rappelle-toi de qawlullah azza wa jal, la yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Rappelle-toi toujours de ce verset fi bab al-qadr. Qala l'imam al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, qawluhu ta'ala, la yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun, qasimatun lil qadariya wa ghayrihim. Ce verset brise le dos de chaque qadari. Limadha li anna Allah azza wa jal qala la yus'al amma yaf'al. On ne pose pas des questions à Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi il a fait telle chose. Abadan, Allah il fait ce qu'il veut. Fa'alun lima yurid. Wa hum yus'alun. C'est toi qui seras interrogé yawm al-qiyamah. Fa'ad al-nas, il pose des questions du qadar comme s'il posait des questions pourquoi Allah il a fait, pourquoi. Ittaqillah. Istaslim, t'es un mu'min, t'es un croyant, soumets-toi. Et fais des bonnes œuvres. Et ton but c'est de rentrer vers le Jannah. Amma katrat kalam, qil, waqal, ba'adoum, il pose des questions nuit et jour sur le qadar. Quand il faut faire salat, il ne fait pas salat. Quand il faut faire ramadan, il ne fait pas ramadan. Quand il faut aller au hajj, il ne fait pas le hajj. Fama hiya al-fa'ida. Le shaitan, il égare ba'ad an-nas min hada al-bab. Fahada. On s'est surtout axé sur l'égarement de l'qadariya et après al-jabriya. Et fil haqiqa, comme on a dit, c'est des fondements de Al-Jahmiya et Al-Mu'tazila qu'on étudiera, Inch'Allah, leur égarement en détail, leur secte. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه والحمد لله رب العالمين